Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon. Patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous, chers amis. Bienvenue chez Papa Cassette, épisode 49. Nous sommes dimanche soir, le 16 août 2020. Il est 18h47. Et je termine mes vacances. Donc, ça fait 2 semaines que je suis en vacances. Je me suis promené un peu. Je suis allé à Sandbanks, en Ontario. C'était magnifique. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. La plage du côté du lac Ontario, c'est comme la mer, là, tu sais, les vagues, l'eau claire, l'eau quand même chaude. La plage de sable fin. Il y a juste l'eau qui n'est pas salée. Pour le reste, c'était vraiment magnifique. Donc, j'ai été très surpris de ça. Et puis, je suis allé aussi faire un petit tour dans les cantons de l'Est. Donc, Bromont, Sutton, c'est quoi dans l'autre place? Un chalet chez des amis. J'ai oublié le nom. Alors, dans ce coin-là, on s'était pris un petit condo au pied de la montagne de Bromont, dans le fond. Alors, on était juste à côté des glissades d'eau, donc on est allé là pour les enfants. Et puis, j'ai essayé une couple de microbrasseries. Je suis allé chez Dunham. Je suis allé chez Sutton Brewery. Je suis allé au Bromont, dans Bromont. Et puis, voilà. Donc, je me suis beaucoup promené, puis ça a fait bien du bien. Donc, mais j'ai quand même hâte de retourner au travail, là. Donc, comme je disais dans mes épisodes précédents, j'étais en vacances. J'étais pas en vacances, mais j'avais pas mal cessé le travail depuis le début de la COVID. Puis j'avais retravaillé un peu ici et là. Le mois de juillet, j'avais travaillé pas mal tout le mois. Là, j'ai réarrêté de travailler. Puis là, c'est in and out. Cette semaine, je suis supposé travailler toute la semaine. Mais en même temps, mercredi, là, je vais être coupé. Et puis, jeudi, vendredi aussi, je vais couper la journée. Bref, c'est ça. J'ai comme une semaine que, yeah, je retourne travailler, mais ça sera pas vraiment complet. Et puis, dernière semaine de août, je peux pas retourner, là, les enfants et tout, c'est la rentrée, là, puis c'est la grosse affaire. Mais en septembre, je vais être là full-time chez Retro MTL, et puis je suis bien content, j'ai bien hâte. Et pendant mes vacances, j'ai reçu pas mal de jeux, donc beaucoup de choses se sont ajoutées à ma collection personnelle. Cependant, aujourd'hui est un épisode où est-ce que je veux finir de vous présenter ma collection Super NES. Donc, j'ai entamé ça il y a un bout et puis il est temps qu'on finisse ça. Il ne me reste pas tant de jeux que ça en plus, donc je voulais vraiment finir ce chapitre-là. Et puis comme j'ai pas fait grand-chose de relié aux jeux vidéo pendant mes vacances, j'ai gamé, mais j'ai pas de chassé et tout. Puis, tous les jeux que j'ai reçus, je les ai publiés. J'ai fait une publication sur ma page Facebook. Donc, vous pouvez aller voir ma page Facebook qui contient tout ce que j'ai reçu dernièrement. J'attends d'autres affaires encore pas mal. Donc, c'est ça. D'autres choses vont venir. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment comme finir mes vacances avec ma collection Super NES, Chillos. Et puis, les prochains épisodes, je dirai des affaires. Là. C'est ça, là. Donc, c'est ça. Alors, on va commencer. Là, je vois que ma souris a bug, là. Parce que j'essaie de faire deux choses en même temps. OK, bon. On commence avec des jeux qui se sont ajoutés à ma collection à la suite de mes derniers épisodes. Donc là, on est rendu à finir S jusqu'à Z. Dans le S, il m'en reste une couple, là, toutes des super quelque chose. Mais j'ai reçu 3 jeux depuis le dernier épisode de ma présentation de collection Super NES. Alors, je vais les présenter en premier, sans ordre particulier. Donc, on commence par celui-ci. C'est un shmup. Il s'agit de EDF, Earth Defense Force. Et si vous voulez jouer à ça, c'est disponible sur le store, de la Switch, dans les jeux Super Nintendo. C'est un shmup pas si pire, je trouve, quand même. C'est pas inintéressant. C'est pas un grand shmup du tout, là, mais moi, j'ai trouvé que ça faisait quand même bien la job. Fred en a parlé dans un épisode de Rétro Nouveau aussi. Allez au rétronouveau.ca. Ouais, excusez. Faites un search pour ce jeu-là et puis vous allez tomber dessus pour connaître son opinion sur la chose. Moi, je l'ai plus apprécié que lui. Et puis, j'avais déjà la boîte et le livret que j'ai trouvé dans le sous-sol du Game Zone. Donc, j'avais pas la cassette. Alors maintenant, j'ai la cassette, je suis bien content. Et puis, je veux juste aller voir combien ça vaut cette affaire-là. Earth Defense Force au Super Nintendo. Donc, juste la cassette, une vingtaine de piastres. Là, c'est les prix que je vous donne, c'est price charting. C'est une bonne moyenne, c'est un outil efficace, je le répète, price charting. Moi, je trouve que ça fait très bien la job overall comme ça. S'il fallait que je vende ces jeux-là, surtout les jeux qui valent plus cher, je regarderais peut-être eBay. Là, mais là, je vous donne juste des prix price charting pour qu'on ait une idée de la valeur à peu près. Donc, j'ai boîte et livret, donc on est plus dans le 50$ à ce niveau-là. Donc, très bien, je suis bien content d'avoir celle-là. Là, attendez, là, ça c'est mon gros bras poilu. En passant, si vous étiez inquiet de ma piqûre d'insecte, elle s'est rétablie. Si vous avez écouté mon dernier épisode, il y a des gens qui m'ont écrit pour me proposer des solutions avec des idées. Deux personnes m'ont dit que c'était peut-être une cigale. C'est pas supposé piquer vraiment les cigales, whatever, mais ça peut le faire quand ça pogne les nerfs. Mais j'ai vérifié, puis non, c'était pas une cigale. C'était quand même un peu moins imposant qu'une grosse, dégueulasse cigale. Vous aurez googlé des cigales, c'est vraiment pas beau, là. Mais je pense que c'est vraiment une grosse mouche à chevreuil, là, finalement. Et puis, j'ai eu mes antibiotiques, je les ai toutes pris, et puis ça l'a passé. Donc, mais je pense je vais garder une cicatrice de cette morsure d'insecte-là, ici, sur mon bras, je la vois, là. Donc, drôle d'aventure, vraiment. Mais bon, ça l'a passé, puis les antibiotiques ont fini, puis j'ai fini de prendre les maudits antibiotiques, j'haïs ça. Et puis mon corps est bien correct. Donc voilà, je suis pas mort. Prochain jeu, j'en ai parlé aussi sur ma page Facebook. Il s'agit de Hook. Donc, c'est un très cool platformer, ça, développé par la même équipe que l'excellent Sky Blazer au Super Nintendo. Et puis, j'avais déjà joué un peu à ça, vite, mais c'était un peu slow au début, puis ça m'avait comme un peu freiné dans mon enthousiasme. Mais là, je me suis dit, non, je vais essayer ça comme il faut, mon ami Baroque. Larouche me dit que c'est bon, et puis après avoir fait un niveau et demi, j'étais comme ok, là j'ai compris, là, tu sais. Et puis oui, le gameplay il est plus slow, le personnage est très slow, il plane, tu sais. Mais c'est magnifique, le soundtrack il est bon, c'est pas trop long, tu sais. C'est un très très cool jeu, ça, finalement. Je suis bien content d'avoir essayé, découvert et fini ça, et de l'avoir dans ma collection Super Nintendo. Juste la cassette, on est dans le 25$ environ, et d'après moi, c'est un jeu, ça, qui va monter tranquillement, à coup de 5$, là, tu sais, parce que c'est bon, et puis que c'est assez commun. Donc, si vous aimez le Super NES et les platformers, moi, je vous recommande vraiment d'avoir ça dans votre collection. Prochain jeu nous provient d'un lot qu'on a acheté chez Retro MTL. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma wishlist. Il s'agit de Legend. Donc juste, c'est pas la légende de rien, là. C'est juste Legend, donc légende. Et puis, c'est un beat'em up. Un étrange beat'em up qui est assez slow lui aussi, soit dit en passant. Je l'ai essayé un peu. C'est un jeu qui a pris beaucoup de valeur au cours des années. On va regarder le prix tout de suite. Legend au Super NES, 70$. Mais en toute franchise, ça roule plus autour de 100$, là, ce jeu-là. Et puis, c'est ça, ça a pris bien de la valeur. C'est un jeu qu'on voit pas si souvent. Et puis, c'est un beat'em up médiéval, un dude avec un épée. Et puis, that's it. Donc, très Golden Axe au look. J'ai de la misère à faire. Je me suis pas assis en me disant que j'allais comme me donner dans ce jeu-là, mais je me suis juste rendu au boss du premier niveau. Il est très rapide, très agressif, comme c'est super dur. Donc un étrange jeu, puis je vais y donner sa chance éventuellement. Il était dans ma wishlist là, de jeux que je ne désire pas de façon là, à ne pas endormir la nuit, mais que j'aimerais avoir dans ma collection, et il en fait maintenant partie. Donc, c'était les trois jeux par rapport, et maintenant, on suit la liste. Le dernier jeu que j'avais fait de la liste à mon dernier épisode de collection, c'était Super Mario All-Stars, Super Mario World. Alors, on reste dans les Super Mario. Il s'agit de Super Mario Kart. Je n'ai pas, bien sûr, grand-chose à dire par rapport à Super Mario Kart que vous ne connaissez pas. Moi, je le mentionne de temps en temps, je suis pas fan vraiment des franchises de Nintendo. Et puis, Super Mario Kart, j'ai jamais vraiment donné sa chance à ça. Puis ça m'intéresse pas vraiment, pour être franc. Mais bon, ça prend, je pense que ça prend ça dans une collection Super NES. Donc, je l'ai et c'est tout pour ça. Prochain jeu, un peu la même affaire. Mais bon, il vaut plus cher celui-là. Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars. J'ai pas le temps de jouer à des RPG. Ben, j'aurais le temps. C'est un peu au mensonge, en fait. Je me mens à moi-même. Tu sais, comme je passe bien des heures sur un platformer de Switch, puis je dis que je peux pas faire des RPG. Je pourrais, je suis moins attiré par les RPG. Mais ce jeu-là, bon, encore une fois, c'est une franchise de Mario, puis c'est un RPG, puis... Tu sais, comme tout là-dedans dit que je jouerai pas à ça, mais je le veux quand même dans ma collection, parce que peut-être, je me dis, peut-être que je pourrais jouer à ça un moment donné. Puis, tu sais, c'est beau dans la collection aussi, on va pas se le cacher. Donc, c'est ça. Donc, ça m'a passé entre les mains. Il m'en a passé une coupe entre les mains depuis toutes les années que je fais de la vente au cours de ces... 8-10 ans que je fais de la vente de façon plus ou moins intense, maintenant très intense, avant plus relax, mais quand même. Donc, c'est ça. Je me rappelle même plus quand j'ai décidé que je voulais garder ça dans ma collection. Ce jeu-là est affiché sur Price Charting à 66, donc 70, je dirais. Mais encore une fois, en retail, ça se vendrait plus cher que ça. Donc, Mario dans ma collection. Prochain jeu, il y a encore du Mario. Ça serait supposé être dans les Y, ça peut-être, mais là, c'est ça. Ça dépend quelle application vous utilisez. La mienne dit Super Mario World 2 Yoshi's Island et non pas juste Yoshi's Island. Donc, un autre franchise de Nintendo. Celui-là, j'y ai joué un petit peu plus parce que j'étais curieux de l'explorer. C'est un jeu absolument magnifique. Très long, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fini. Mais c'était assez groundbreaking au Super Nintendo, ça, moi je trouve. C'est magnifique. Yoshi's Island... Attends un peu. Au Super Nintendo. Moi, je trouve ça très beau, très cool, puis je le voulais dans ma collection aussi, bien sûr. C'est du magnifique Nintendo, ça. Affiché à 40$, mais pas mal plus que ça. En retail, 50-60$ certainement. Donc, un autre jeu que j'ai pas besoin de parler tant que ça parce que vous le connaissez tous. Prochain, vous le connaissez tous aussi et je l'aime d'amour et je l'ai complet dans sa boîte. Il s'agit de Super Metroid. Fun fact, j'ai eu plusieurs Super Metroid dans ma collection au cours des années. Un magané, un plus beau, là j'ai la boîte, il manquait des affaires. Après ça, j'ai trouvé une boîte moins belle, mais avec plus d'affaires. Fait que je me suis comme construit un Super Metroid CIB avec les années. Et puis, bon, moi j'ai joué à ça dans le temps quand c'est sorti, puis j'ai capoté ma vie. Là, c'était vraiment excellent. Ça demeure un excellent jeu encore aujourd'hui. Ça a jeté les bases pour le Metroidvania, C'est un chef-d'œuvre, ce jeu-là, vraiment. Le dernier... Non, c'est pas vrai. Au Game Boy Advance, j'ai aimé des Metroid aussi, mais... Moi, la série Metroid, j'ai jamais vraiment accroché ou joué à Prime. Donc, les plus récents que j'ai fait, c'est Zero Mission au Game Boy Advance. J'aime les Metroid 2D, là, tu sais. Moi, c'est ça qui me plaît. Donc, puis celui-là, bon, c'est ça. C'est le classique des classiques. Complet, loose, juste la cassette, on est autour de 65. Complet en boîte, on est à 250. Donc, c'est très bien. Moi, j'ai tous les posters, les adverts, puis tout. Donc, très content d'avoir ça. Gros classique. Gros coup de cœur à moi. Prochain jeu, un autre shmup. Il s'agit de Supernova, qui fait partie de la série Darius. Et puis, je sais pas, là, je suis pas assez connaissant de la série pour savoir quel Darius il représente, celui-là. C'est parce que ça a été renommé, c'est peut-être Darius 2 renommé, Supernova pour le Super Nintendo, bref, je le sais pas trop. J'ai-tu la boîte de ça que j'ai trouvée? Ouais, je pense que j'ai la boîte de ça que j'ai trouvée dans le sous-sol du Game Zone. Donc, ça c'est drôle, c'est tous des jeux ça que j'avais dans le temps, Puis à un moment donné, j'ai décidé de faire une purge de ma collection en disant ah, c'est pas un assez bon shmup. Mais là, je suis comme bon, j'ai tout ce que je voulais dans le Super Nintendo, fait que je recommence à réacquérir ces affaires-là. Donc, Supernova. Faudrait que j'y redonne sa chance, là, tout comme Darius Twin. Faut que je redonne sa chance à ces jeux-là au Super NES. Mais idéalement, il a sorti une belle compile sur Switch, justement, qui est très cool. Mais moi, celui que je veux le plus, c'est Darius Gaiden, version US au Sega Saturn. C'est un jeu que je désire depuis très longtemps. Puis, tu sais, il y en a sur eBay, mais ils sont tous 100-120$. J'attends un meilleur prix. J'aimerais ça le trouver plus proche, localement, je sais pas. Ou que ça arrive chez Retro MTL, quoi, qu'on sait jamais. Hein. Mais, ouais. Donc, on verra. Donc, ce jeu-là, il vaut 35$ complet, 120. Un autre shmup, coup-ci, coup-ça, de la Super NES. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Et pendant que je bois et que je ne parle pas, vous pouvez en profiter pour admirer ma rutilante coiffure. J'ai de l'air d'un Mohican, le dernier des Mohicans, ça s'en vient. Je suis même rendu capable de me faire une genre de... Là, je suis pas capable de me tourner la tête assez, hein, genre de petit toc, là, petite affaire, une boule de cheveux, là, un man bun, dans le haut arrière de ma tête. Je sais pas si j'aime ça ou non, les cheveux longs, et puis ils sont de plus en plus longs. Des fois, je trouve que ça me vieillit pas mal, puis moi, un atout que j'aime bien... C'est que je pense que j'ai de l'air jeune malgré mon vieil âge de 40 ans. Puis là, les cheveux longs comme ça, je trouve que ça me vieillit un peu. Mais je veux comme continuer, je vais aller au bout de ça. Des jours, je trouve ça bien, d'autres jours, je suis comme « Ah, c'est laid. » Je ne sais pas, mais en tout cas, j'essaie des choses. Prochain jeu est un jeu que je cherche un label upgrade depuis des années, des années, des années. Il s'agit d'un jeu pas rare, pas cher, de Super Off-Road. Je vais essayer de zoomer pour qu'on le voit bien, là. Parce que quand vous cherchez le Super Off-Road au Super Nintendo, vous trouvez toujours Super Off-Road de Baja. Puis ça, c'est de la merde. Toi, tu veux Super Off-Road dans ta collection, qui est aussi bon que celui au NES, que celui à l'arcade. C'est un excellent jeu. J'aime beaucoup cette série-là, moi. C'est un early release, il me semble. Quoique là, je regarde mon label, puis j'ai la version assemblée au Mexique. Donc là, ça me bug un peu la tête. Mais je me rappelle que quand la Super NES venait de sortir, nous, on louait ça. Donc c'est sûr qu'il y a eu un early... C'est arrivé au début de la console, un moment donné. Et puis, c'est ça. C'est un très bon jeu, là. Vous connaissez ça, Off-Road. Bon, ben c'est direct là-dedans. Et puis, je sais pas pourquoi... Je trouve jamais de beau label de Super Off-Road. Puis on a acheté beaucoup de jeux Super Nintendo depuis des années, puis il m'en passe rarement entre les mains. C'est comme un jeu rare qui vaut rien. Ben, on va aller voir tout de suite combien ça vaut. Avant que je parle à travers. Ouais, c'est ça, 15$. Donc, vois-tu. De Baja, 8$. Donc. C'est, j'aime beaucoup ce jeu et je cherche un label upgrade et bon, that's it. Là. Mais je suis content de l'avoir dans ma collection, bien sûr. J'y joue pas tout le temps, là, on s'entend, mais une petite game de ça de temps en temps avec des chummies, c'est bien plaisant. Prochain jeu, Super Punch-Out. Très, très bon jeu, ça. Très bonne, c'est... très bon Punch-Out 2. Hein? Au NES, c'était le 1, disons que celui-là, c'est le 2. Et puis, sans compter celui de l'arcade, très cool jeu. Écoute, moi, j'ai joué à ça au bout, puis tu peux sauvegarder. Puis, à un moment donné, comme j'essaie de battre, il y a des façons dans ce jeu-là de battre les personnages genre, en quelques secondes. Là. Puis, c'était écrit dans Nintendo Power comment faire, c'est super technique, genre ta-ta-ta-ta. J'ai pas regardé sur YouTube, mais je suis sûr qu'il y a des gens là, qui finissent ce jeu-là en quelques secondes avec des scores de fou. Donc, le jeu est super bien fait. Écoute, c'est un parfait jeu, là, parfait jeu de la série. Toutes les Punch-Out sont bons, en fait. Au NES, il est bon, Super NES, il est bon, sur Wii, il est bon. À l'arcade, il est un peu rough, il est un peu rough. Mais les trois Punch-Out de console sont excellents, donc je sais pas s'ils vont en faire d'autres, là. Là, ils ont fait Arms, mais moi, ça m'attire pas en tout, c'est pas pareil. Donc, Super Punch-Out de nos jours, ça vaut 35, 32 sur Price Chart. Retail, ça serait plus que ça, c'est sûr. Donc, définitivement un must dans votre collection. Prochain jeu, Super R-Type. Un autre shmup. Donc, un autre port de ce grand classique-là. Je trouve très difficile ce jeu-là, décourageant. J'aime pas ça tant que ça, la série R-Type, j'en ai déjà parlé. Mais bon, c'est ça. Là, ça le prend quand même dans une collection de Super NES parce que c'est beau avoir des shmups dans la vie. Tout le monde aime ça avoir des shmups. Ce jeu-là est assez commun. Il y en a partout et ça vaut 20$. Mais si, il est beau, la musique est bonne, tout. Mais Colin, c'est dur. Moi, j'y arrive pas pantoute. Oups! Prochain jeu, il est craquant. Alors, vous le voyez déjà ici. Je sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire dans l'un de mes podcasts, mais il me semble que oui. Ça fait un bout. C'est l'année passée que c'est arrivé. Bien avant que le COVID existe, j'avais tous mes jeux compactés, bien serrés, de Super NES compactés dans une boîte. Tu sais, comme. Puis mes amis sont venus jouer à la maison, puis la boîte était à côté de la table. Puis quelqu'un a renversé un verre plein à rebord de IPA du Nord-Est de Boréal dedans ma boîte de jeux de Super Nintendo. Man, on capotait. Tout le monde s'est mis à l'ouvrage de vite nettoyer tous les jeux puis tout. Puis finalement, aucun jeu n'a été brisé. Mais ça arrive que... Là, il craque un peu moins parce que je l'ai fait. Ils sont comme collants un peu encore parce que je les ai pas tous ouverts un par un pour les nettoyer. Donc voilà. C'était une catastrophe. Mais personne n'est mort. Donc je suis bien content. Prochain jeu, donc le premier d'une trilogie, Super Star Wars. J'avais joué à ça dans le temps, j'avais trouvé ça vraiment nice, tu sais, visuellement, la musique et tout. Mais Colin, ça avec, c'est trop dur, ces fucking jeux-là, man. C'est magnifique, là, c'est super bien fait et tout, mais j'y arrive pas, là, tu sais, je décroche, puis je pense que je suis pas le seul à décrocher là-dedans. Mais c'est ça. Donc, mais je veux la trilogie pareille au Super Nintendo. Je sais qu'il y en a un qui est plus dur que les autres. Le premier, là, me semble, parce qu'il n'y a peut-être pas toujours des continues. Les autres, oui. Bref, je n'ai pas le courage là, de forcer assez pour finir ces jeux-là. Super Star Wars, il vaut 10-15$. Super Empire. Ah ouais. Et avec, il est collant. Hein? J'y avais pas retouché depuis l'année passée. Super Empire Strikes Back. Donc, il me semble qu'ils valent tous pas mal la même affaire, ces jeux-là. 15$. Donc, 15$. On reste dans la même zone. Oups, oups, oups, ça va tomber. Attendez. OK. Et maintenant, Super Return of the Jedi. Je me rends compte que mon top label, il est pas propre. Oups, il y a du bruit ici. Ah ouais, ça c'est le shape de Vader en arrière. Donc, Super Return of the Jedi. Au Super Nintendo. Ah là, on est plus autour de 20$. Mais tous des jeux qui ont à peu près le même prix. Donc. Oh, j'ai sapé, excusez, je bois de l'eau. Donc, c'est ça. Essayez ça quand même. C'est quand on parle des meilleurs jeux de Star Wars qui existent. Cette série-là revient des fois, c'est pas des grands, des jeux révolutionnaires, mais c'est un très beau jeu, très bien fait. Quand même, ça suit les films, tu sais, la musique, tout. Donc, c'est quand même très cool. J'ai découvert Street Fighter avec le Super Nintendo en ayant loué Street Fighter 2 quand j'étais jeune. Et puis là, c'est la première fois que je jouais à un jeu de combat et j'ai capoté comme l'ensemble de l'Amérique. Et puis... Je l'ai demandé à Noël, je l'ai eu à Noël, j'ai joué. Puis avec les années, ben, ils ont fait Street Fighter 2 Turbo, et puis le jeu ici présent, Super Street Fighter 2. Donc avec tous les personnages et tout, c'est le meilleur Street Fighter au Super Nintendo, à mon avis. Par contre, ce qu'il y a de vraiment poche, c'est que les sons, ils ont changé. Mettons Super NES. Oh, voyons, au premier Street Fighter 2, quand tu donnes un high kick, ça fait. Tu sais, c'est. Mais là-dedans, ça fait comme. Les high kicks, les high punch, ils font. Ils font des bruits de low punch. C'est hyper pas satisfaisant, là. Mais pas du tout, là. Ça, c'est très, très, très, très, très dommage. Mais ça demeure quand même le meilleur jeu parce que tu peux accélérer le gameplay. Donc, tu peux en faire un turbo si tu veux. Et puis, tous les personnages sont dedans. Donc, c'est le best Street Fighter. Et puis, Super Street Fighter 2 au Super NES. C'est rendu à combien? Je l'ai complet en boîte, ce jeu-là, d'ailleurs. Ma boîte est mint. J'ai acheté ça dans le temps quand je faisais de la vente que j'étais avant à Carcade. Il y a 6 ans. 2 ans avant l'ouverture d'Arcade de Montréal, quand j'avais mon petit local sur Frontenac, quelqu'un m'a amené ça comme mint. Puis il était tellement beau, j'ai décidé de le garder. Donc, juste la cassette, 20$, complet en boîte, 70$ pour le meilleur Street Fighter. Prochain jeu. Un jeu que je veux et que j'ai pas assez essayé encore. Hey Colin, il y a comme une coche en avant. Ben ouais, il y a une coche ici. Hein. Voyez ça? Oh là là là là, pas bien fier de ça. Mais Super Turrican ici présent est un jeu. Moi j'utilisais une Super NES Mini, donc le petit modèle, le deuxième modèle qui est sorti. Et puis, fun fact, Super Turrican est le seul jeu non compatible avec cette console-là parce qu'il y a des bugs de son. Et puis, c'est vraiment injouable. Là. C'est dégueulasse, dégueulasse. Donc, j'ai jamais vraiment joué à Super Turrican. J'ai Super Turrican, mais j'ai pas pris le temps là, d'amener un autre Super NES chez nous et tout. Mais je trouve que c'est un cool jeu. Le personnage, il tire de plusieurs sortes de fusils. Et puis on aime ça, les beaux fusils. Platformer, run and gun, utilise le mode 7, la musique, tout. C'est hot, mais c'est pas parfait. Je sais pas pourquoi. On devrait accrocher 100 000 à l'heure dans ce jeu-là, mais on accroche pas tant que ça. Mais on accroche quand même, tu dis non, attends, il y a de quoi là-dedans, là, il faut que j'y joue. Et puis il y en a un au Game Boy, il y en a un au TurboGrafx 16, Turrican, donc. Fun fact aussi, l'analogue Super NT vient avec le jeu built-in dedans. Mais j'ai essayé la cartouche dedans, puis ça fonctionne aussi. Je connais pas l'histoire, là. C'était justement, genre, peut-être pour rattraper le fait que c'était le jeu-là qui était pas qui marchait pas dans le temps avec la console mini. Bref, en tout cas, il y a de quoi autour de ce jeu-là, il y a un bug. Puis Analog, ils ont comme fait de quoi par rapport à ça. Et puis, salut, je fais aucune recherche avant d'entamer un épisode. Désolé, vous irez voir ça sur Google après. J'irai moi aussi. Mais je peux y jouer maintenant et puis ça va venir. J'ai essayé un petit peu l'autre fois. Il n'y avait pas toujours des continues, donc je me suis découragé. J'étais rendu un peu loin, mais j'avais une mauvaise run. T'sais, c'est sûr que j'allais mourir puis j'allais être game over avant la fin. Fait que j'ai mis ça sur pause. On y reviendra. On va regarder combien ça vaut. Parce que ça vaut quand même quelque chose. Là. Super Turrican au Super Nintendo. Donc, ça vaut 65$. Et il y a un 2, et j'ai le 2 maintenant, et c'était sur ma wishlist depuis fort longtemps. C'est un jeu qui vaut très cher, ça. Le 2, il vaut 280$, donc, tu sais, comme 300$, là, disons-le. Même personnage sur le cover et tout, mais ils ont changé la signature, puis ils ont changé le background. Le jeu est très semblable aussi, bien sûr, j'ai testé la cartouche. Donc, c'est un peu beaucoup la même affaire, mais... Je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas essayé. Donc, grosse cassette à avoir dans sa collection. J'avais le 1, je voulais le 2. Et puis, je suis très satisfait de ça, très fier, très très fier. Ouais. Ça, c'est un jeu aussi que je pense qui est cool et que j'ai pas essayé assez. Que j'ai pas essayé du tout. Super Valis 4. Excusez, j'ai un chat dans la gorge. Donc, je suis pas connaisseur de la série Valis, mais celui-ci est très... Ben, c'est une série très japonaise au look. Hein? Et puis, donc, publié par Atlus. Puis, c'est un genre de hack and slash, ça, il me semble. Et puis, je le voulais dans ma collection pour l'essayer un jour. J'ai vraiment beaucoup de choses à essayer un jour. Hein? J'espère que ce jour viendra un moment donné où est-ce que je pourrais essayer tout ça. C'est un jeu qui vaut 50$. Et puis, pas commun. Pas rare, mais pas commun. Puis ça m'a l'air bien bon, fait que je jouerais à ça un moment donné, toi, là, je sais plus où les mettre, là, je manque de place. Bon. Prochain jeu est un autre jeu qu'il faudra que j'essaye comme il faut un jour, mais que j'ai essayé quand même un peu dernièrement. Il s'agit de SWAT Cats, ça c'est une cassette qui vaut cher. Les SWAT Cats, d'après le cover, ouais, c'était un cartoon de Hanna-Barbera. Que je n'ai jamais écouté quand j'étais petit, je savais même pas que ça existait. Et puis, c'était un jeu qui vaut cher, ça. Je vais regarder ça. Ben, pas si cher que ça, là. Mais ouais, c'est un jeu à 100$, à peu près, 100-120$. Et puis, c'est un platformer, un peu clunky, pour l'avoir essayé. Et puis, je le voulais quand même dans ma collection, mais tu sais, je n'étais pas pressé. Là. Je ne vais pas acheter ça sur eBay, tu sais. Puis, par hasard, il y a quelqu'un un jour qui est rentré chez Retro MTL avec seulement ce jeu-là à vendre. Dit, j'ai ça à vendre. Hey, je te l'achète. Alors, j'y ai acheté. Et puis, je l'ai gardé pour ma collection. Là, c'est fait au Mexique, hein, le label. Alors, il a de l'air plus usé qu'il l'est vraiment sur le dessus, là, mais pour vrai, il est quand même pas si pire. Donc, c'est un bel item à avoir dans sa collection aussi, je crois. Je pense qu'il doit avoir du fun à avoir avec ça, malgré tout. Donc, très heureux d'avoir ça. Prochain jeu est un jeu de combat que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit de Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters. Et puis, j'avais loué ça dans le temps avec mes chums. Et puis, ça joue exactement comme Street Fighter, les mêmes moves et tout. Vraiment très, très bon. C'est pas un jeu qui vaut très cher, là. Ça vaut 30$. Moi, je l'ai complet en boîte, par exemple. Je l'aime assez pour avoir désiré la boîte et l'avoir trouvé avec le temps. Donc, on parle de 90-100$. Si vous voulez une alternative à Street Fighter dans le même style, ça vaut la peine. Pour vrai, c'est très bon. J'aime beaucoup ce jeu-là. C'est ça. Vu qu'on était dans les tortues, ben là, on est avec Turtles in Time. Et puis, combien c'est rendu, ça, Turtles in Time? C'est rendu 60$. Mais ça vaut pas mal plus que ça. On est plus dans les 80, là, dans le retail. Et puis, écoute, je l'ai complet en boîte, d'ailleurs. Et puis, étrangement, ça jump d'aplomb. Complet en boîte, c'est rendu à 250. Moi, j'adore ce jeu-là. Excellent beat'em up. Quasiment meilleur que la version arcade. Musique incroyable. Excellent gameplay. C'est définitivement un must à avoir dans votre collection Super NES. Un excellent jeu. Probablement dans mon top 20 des meilleurs jeux de tous les temps. C'est vraiment très, très, très bon si vous n'avez pas joué à ça. Et puis, c'est pas si dur. Hein? Moi, je finis ce jeu-là à hard assez facilement. Vous avez vu, j'ai fait des setups de pauvres avec mon fils dans ce temps-là. Il avait 5 ans, 6 ans. On finissait le jeu ensemble. Donc, très bon jeu à jouer en co-op. Du party, du combat, de la pizza, c'est parfait. Prochain jeu ici est Tetris Attack. J'aime beaucoup ça, moi, ce jeu-là. Je trouve ça très bon. Un des rares jeux auxquels j'ai joué avec ma blonde qui n'est pas gamer du tout, du tout, du tout. Et puis ça, c'est un jeu qu'on a joué ensemble et puis qu'on a eu du plaisir. Et puis je l'avais complet en boîte, cependant, parce qu'on m'a comme donné ça, c'est passé entre mes mains à un moment donné, puis il était tellement propre que j'ai pas gardé. Mais j'ai pas gardé la boîte parce que j'aime pas le jeu assez, mais j'ai gardé le jeu, j'ai gardé la cassette. Étrangement, ça vaut pas grand chose ce complet en boîte, 40$, juste la cassette 20$. Mais c'est sûr que ça vaut plus que 40$ le complet en boîte. Mais très cool jeu, là. C'est une mécanique que j'aime beaucoup, juste de switcher des blocs. Et puis j'ai fait beaucoup de tournois de jeu-là depuis toutes mes années à faire des compétitions de jeux vidéo, du Funzo jusqu'à Arcade Montréal cette année. Donc 6 ans de compétition de jeux. Et puis Tetris Attack fonctionne toujours bien. Puis j'ai vu des gens incroyables à ce jeu-là, là. Des machines, là, ils se stackent un écran au complet puis ils réussissent à s'en sortir, c'était comme spectaculaire, donc un excellent jeu. Ceux qui sont plus dans le 64, Pokémon Puzzle League, c'est la même affaire sauf la thématique Pokémon, donc excellent, j'aime beaucoup. Prochain jeu est un autre shmup, il s'agit de Thunder Spirits, et puis ce jeu-là, c'est, il me semble, Thunder Force 3, donc, mais au Super Nintendo. J'ai pas pris le temps d'explorer la série Thunder Force assez. J'aime beaucoup Thunder Force 2. C'est un 2D shmup qui scroll horizontal, mais dans le 2, il y a aussi du top-down. Et puis, il y a des gens qui aiment pas trop la section top-down, avec raison, c'est pas si le fun. Mais moi, je savais même pas que ça existait des shmups quand je jouais à ça quand j'étais petit. Puis comme j'ai joué à ça, j'ai dit « Wow, la musique, tout ». J'adorais ça. Et puis, je possède Thunder Force Gold Collection, il me semble que c'est ça le nom, volume 1 et volume 2 sur Sega Saturn. Donc, j'ai Thunder Force 2, 3, 4 et puis un autre, là, je sais pas trop. En tout cas, je suis bien grayé avec les Thunder Force pour ça, donc j'ai pas besoin de rien d'autre. Et puis, j'ai pas joué vraiment à ça, pour être franc. mais Schmop, tu sais, fait que dans la collection automatiquement. Et puis Thunder Spirits, ça vaut 27$, 30$ donc. Et puis, mais j'allais essayer un petit peu la version Super NES, et puis j'avais trouvé ça quand même correct, donc c'est pas dans les, c'est pas une calamité, là, tu sais. Il y a du plaisir à avoir avec ça, mes chers amis. Bon, ah oui, ça, on est ailleurs, là. Un autre jeu que j'ai joué, que j'ai loué quand j'étais petit, Tiny Toon Adventures Buster Busts Loose. Donc, Buster, il part à l'aventure, comprends-tu, dans ce très casual, petit platformer, pas trop compliqué. J'avais loué ça dans le temps, je trouvais ça magnifique. J'étais comme, oh, ça m'est beau, da-da-da. Ils en ont fait pas mal, des jeux de Tiny Toons, dans le temps, au NES, au Super NES, sur Genesis. Donc, ça plateforme au Game Boy, ça plateformait au coton. Et puis, ça, c'est un jeu qui vaut rien. Et puis, qui est quand même pas si pire, tu sais. C'est pas, ça vaut peut-être la peine, là. J'ai pas rejoué depuis longtemps, là, pour être franc. Mais ça vaut 10$. Donc, pour 10$, je vais le remettre dans ma collection. Puis, j'y rejouerai un moment donné. Puis, si c'est vraiment pas bon, je m'en débarrasserai. Mais je l'ai. Et puis, je vais retester ça. Voir si j'avais des goûts de chiottes quand j'étais petit ou si c'est vraiment bon. Il est bizarre, mon label, il y a comme un peu de la colle dessus. Hein? Ah ouais, il va falloir que je nettoie ça. Un moment donné, je vais m'asseoir avec tous mes jeux Super NES comme ça. Et puis je vais faire ça avec chacune de mes consoles. Tous les jeux de chaque console, un par un. Je vais tout renettoyer ce qui n'a pas été parfaitement nettoyé. Je vais prendre en note ce qui est magané ou non. Tu sais, comme ça va être un travail de moine que je vais faire paisiblement. Puis je vais rentrer ça dans une application ou une nouvelle application. CLZ, j'ai envie d'essayer l'application CLZ. Je veux que tous mes jeux soient à la même place. Parce que là, les petites applications que j'utilise de Pure Gaming, il manque des affaires. C'est pas peut-être sur l'Atari. Bref, ça fait un job pour chasser puis pour regarder ce qui me manque puis tout. Mais à un moment donné, je veux tout mettre ma collection dans CLZ. Je pense que c'est la meilleure. Prochain, donc, premier jeu d'une trilogie, Top Gear, excellent jeu de course et puis excellente musique. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette série-là. J'ai loué ça à maintes reprises quand j'étais petit. Puis là, je me rends compte qu'il y a une petite coche dans le label. Colibin. Et puis, très bon jeu à jouer avec un copain ou une copine. Rien à redire, là, tu gagnes des courses, tu pimes ton char et puis tu gagnes plus de courses. C'est magnifique, la pochette est magnifique, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Comment ça vaut ça? Ça, c'est pas si pire, ça vaut pas des... Oups, attends un peu. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, des Top Gear. Ça a marché, cette série-là. Donc, Top Gear, le premier au Super Nintendo, vaut à peu près 15$. Et maintenant, on voit le deuxième. Je me suis demandé un moment donné si ça me prenait les trois Top Gear complets en boîte dans ma collection. Je pense que non, je vais me maintenir à ça. Donc, en loose, le 2, il vaut 25$. Et puis là, ça fait trop longtemps que j'ai joué pour vous dire c'est quoi la différence entre le premier et le deuxième. Pas énorme, il me semble. Mais deux bons jeux, très semblables. Ça vaut la peine. Et puis, le troisième est un peu différent. C'est Top Gear 3000. Top Gear 3000. Celui-là, il a définitivement besoin d'un upgrade, par exemple. Mais ça, j'étais au courant. C'est noté dans mes dossiers. Et puis, combien il vaut le 3000? Ah là, c'est plus, là. Il est rendu à 55$. Donc, c'est pas de la merde, ça. Et puis, celui-là, il se passe plus que sur la Terre. Il se passe dans l'espace. Et puis, là, c'est rendu n'importe quoi. Tu mets des moteurs nucléaires dans ton char, puis tout. Mais il n'y a pas de gun, tu sais. Il n'y a pas de cette violence-là. Mais là, t'es vraiment comme ailleurs, tu sais. Puis tu te promènes de planète en planète. Donc, mais même gameplay, tu sais, comme super sacoche, bonne musique et tout, donc ça vaut définitivement la peine. La série Top Gear au Super Nintendo, j'aime beaucoup ça. Donc, bien sûr, ça me prend tout ça. Prochain jeu est peut-être pas tant connu des gens, il s'agit de Total Carnage. Attention, pas Maximum Carnage, la cassette rouge de Spider-Man, mais bien Total Carnage. Ça, mes amis, c'est un peu comme Super Smash TV 2. Donc, c'est fait... à l'arcade, c'était fait par la même compagnie. C'est la même game, sauf au lieu d'être dans un jeu télévisé, t'es dans la jungle, et puis t'es un commando, et puis c'est un twin-stick shooter. Donc, à l'arcade, un stick pour aller dans toutes les directions, puis un stick pour tirer dans toutes les directions. Style de gameplay que j'adore, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Basé sur Robotron à l'origine, et puis bref, il y en a eu plusieurs jeux comme ça. Xenocrisis est un Kickstarter, me semble, qu'il y a eu l'année passée, qui utilise ça, donc qui est sorti sur le Genesis et qui va avoir une version Switch que j'ai fucking précommandé il y a des mois, j'ai pas eu de nouvelles, donc j'ai bien hâte que ça se fasse sur Switch, ça va être super le fun. Et puis, ouais, Total Carnage, c'est ça. Et puis, j'ai réussi à me rendre plus loin qu'à Smash TV. Smash TV, on dirait que c'est juste infernal, tu y arriveras jamais, là, tu sais. Mais à Total Carnage, j'ai fait une plus longue run. Je l'ai complet en boîte parce que ça m'a passé entre les mains. Et puis, la cassette, elle vaut 20$. Et puis, complet en boîte, ça vaut 65$. Attention, la version Game Boy que je possède aussi est quand même pas mal de fun. Et puis, elle vaut 30$. Donc, c'est pas à négliger. Et puis, complet en boîte, la Game Boy, ça va toujours plus cher. Donc, on est au-dessus de 200, là, 210. Mais c'est ça. Quand vous allez voir, si vous voyez ça dans nature, ne levez pas le nez là-dessus, chers amis. Pensez Smash TV. Si vous aimez Smash TV, vous allez aimer ça, c'est sûr et certain. Et puis tu joues à ça avec des amis, puis t'as jamais de problème. T'as juste du plaisir. Prochain jeu. Une curiosité. J'en ai parlé à Rétro Nouveau. Je me demande si j'ai pas fait un setup de pauvre là-dessus. Je pense pas. Il s'agit de peut-être l'un des seuls bons jeux de film, et puis ma caméra arrive pas à focusser sur la face de Arnold Schwarzenegger. Ah oui, je l'ai là. Il s'agit de True Lies, donc publié par LJN, parce que bien sûr, tout ce qui est film, c'est LJN. Mais attention, c'est pas mauvais du tout ce jeu-là, c'est un shooter top-down, pas twin stick, donc mais que tu tires dans la direction que tu veux. Un peu à la Opération Logic Bomb. Donc, tu recharges, tu pognes des guns. Les niveaux sont très longs, par exemple. Et puis, tu sais, il manque un petit peaufinage là, là-dedans. Mais les niveaux sont un peu trop longs, puis ça devient un peu répétitif. Puis, toujours des continues, ça aurait été agréable. Mais il y a un système de password, donc tu as moyen d'avancer. Je me suis découragé avant de le finir, mais ça, c'est un jeu. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un hidden gem, sans être un fou jeu de malade qui est bon à se tirer à terre, puis à pas dormir, puis à s'arracher une jambe. Mais c'est quand même un bon jeu. Et bien, c'est un jeu qui a pris de la valeur aussi. On voyait ça dans nature, il me semble, à 15-20$ dans le temps. Et maintenant, on est rendu aux alentours de 55-60$ au Super Nintendo. Au Game Boy, ça vaut rien. Pour ceux qui s'intéressent au Game Gear, ça vaut 20$. Puis au Genesis, ça vaut 30$. Donc, mais toutes ces versions-là sont assez à chier, il me semble. La version Super Nintendo que vous voyez ici est la meilleure. Donc, ça, faut avoir un œil là-dessus. C'est un très bon jeu. Le prochain jeu est un jeu que tout le monde trouve mauvais et que moi, je trouve quand même correct. C'est vrai, des fois, on nous demande à Rétro Nouveau, c'est quoi le jeu que vous aimez, que tout le monde haït? Ça pourrait en être un. Il s'agit du jeu Hey Punk, Are You Tough Enough? Master the Move to Master Me. Ouais, c'est ça. Donc, il se dit beaucoup de choses sur ce label-là. C'est Tough Enough sur la tranche ici, comme vous pouvez voir. Donc, mon application met ça dans T. Mais je pense que le vrai titre, c'est « Hey Punk, are you tough enough? » Donc, c'est un jeu de combat. Publié par Joleco, mais je ne sais pas si développé par qui, par contre. Et puis, il y a quatre personnages là-dedans, dont deux qui sont pareils, tu sais, genre de Ken Ryu. Donc, un personnage balancé à la Ken Ryu, une fille, bien sûr, plus rapide, mais qui encaisse moins et qui fait moins mal. Puis, bien sûr, un plus gros dude qui est un genre de lutteur. Et puis, ce jeu-là est quand même bien parce que quand tu fais l'aventure, tu sais, c'est pas très long, hein, parce que tu bats les quelques bonhommes qu'il y a, peut-être tu te rends au boss de fin. T'as quand même des armes. Mettons, la fille, elle a des kunai. Et puis, tu lances les kunai, comme ils se mettent à faire du feu, puis tout ça, plus que tu avances dans ton aventure. Donc, comment dire, tes armes ou tes attaques spéciales. il look plus forte plus que t'avances. Bon, pas de quoi écrire à sa mère, vous me direz, mais bref. Puis ça joue quand même assez bien à la Street Fighter, ça aussi. Par contre, il me semble qu'à chaque fois qu'on reçoit une shot, le jeu ralentit, ou bref, il y a des ralentissements. Mais le look industriel me plaît beaucoup. Je me rappelle plus de la musique, mais je trouve que c'est un beau package. T'sais, c'est définitivement, il manque de tout dans le jeu-là. Il manque de personnages, il manque de fluidité. Là, là. Mais c'est pas si broken que ça, je te le dis. Achète-le pas parce que j'en parle, mais essaye-le si t'as un Everdrive ou avec des amis, là, tu sais, ça vaut la peine, il y a des bons moves là-dedans, puis c'est pas si de la merde que ça. Quand même, ça vaut 15$. Ben, achète-le au pire à 15$, tu le revendras. Mais moi, c'est ça, c'est un mauvais jeu que je trouve pas pire. Le prochain jeu est intéressant. Il s'agit de The Twisted Tale of Spike McFang. Ça, c'est comme un petit jeu d'aventure à la Zelda, là. Zelda A Link to the Past. Excusez, je commence à faiblir. Et puis, ça, c'est cool parce que c'est un jeu qui a vraiment monté en prix. Moi, j'ai acheté ça, j'ai pogné ça dans un pawn shop dans le temps. 20$. Là. Il devait vouloir le vendre 50$, je l'ai négocié à 20$. En tout cas, un steal. Vraiment un steal. Et puis, ça, parce que ça a l'air de rien quand tu regardes ça. Puis là, le jeu, il est rendu à 140$. Et puis, ça ne fait que monter. Donc, j'ai pas exploré beaucoup le jeu. Mais c'est un très sympathique top-down jeu d'aventure avec des donjons et tout. C'est ça. Ça fait penser à Secret of Mana, Zelda. Mais t'es un petit vampire là, qui lance son chapeau, donc très intéressant, gardez un œil là-dessus, essayez-le, et puis je connais personne qui l'a comme fini ou exploré ce jeu-là à fond, puis qui a dit « oui, c'est vraiment bon, il y a ça, ça, ça ». J'en sais pas tant que ça là-dessus, outre que ça l'a pris bien de la valeur, puis qu'il y a de quoi là-dedans qui est bon, pour l'avoir testé un petit peu. Bref, cool jeu, bien sûr, à avoir dans sa collection. Pas si rare quand même, on en va passer. Je me demande si on n'en a pas un en inventaire chez Retro MTL présentement. Je sais qu'on en a vendu un dernièrement, mais ouais, très, très content d'avoir ça dans ma collection, surtout de l'avoir payé des peanuts. Prochain jeu est un shmup qui est bon, et puis à l'arcade, ça existe à l'arcade, il s'agit de UN Squadron. Et puis, c'est un jeu qui est sorti très au début de la console, de la Super Nintendo. D'ailleurs, on voit le logo Capcom Old School, qui est le même, dans le même look que sur Final Fight et puis Ghost, Super Ghost and Ghost. Bref, early release de Capcom ici. C'est un shmup horizontal dans lequel tu farmes entre les niveaux un peu. Tu choisis tes niveaux, tu ramasses de l'argent, t'achètes ton équipement, tu gères ça toi-même, tu sais. Je le trouve quand même difficile, j'arrive pas à le finir, ce jeu-là. Par contre, je l'aime beaucoup, t'sais, c'est très début du Super NES, c'est beau, la musique, le gameplay, je me rappelle des images de ça dans le Nintendo Power. C'est un jeu que j'ai juste la cassette, mais c'est un jeu que, définitivement, j'aimerais beaucoup avoir la boîte et le livret. Puis j'en ai vu passer qui sont toujours en mauvais état, mais c'est un jeu dont je surveille la boîte et le livret de façon importante. Si jamais vous avez ça, faites-moi signe. La cassette, elle vaut 30$, puis complet en boîte, 90$. Donc, 90-100$, sûrement en plus pour de quoi de propre. Un jeu, définitivement un bon shmup, ça, sur la console. Il faut l'essayer. Avec des 25 cents illimités à l'arcade, j'avais eu des tonnes de plaisir. Donc, très intéressant. Prochain jeu. Un jeu pas intéressant, mais je pensais que ça allait l'être quand j'étais petit. Il s'agit de un jeu de combat dont j'essaie de faire le focus, qui s'appelle Weapon Lord. Quand Weapon Lord est sorti, à l'époque, il y avait eu un gros review de ça dans Nintendo Power. Des gros personnages là, d'un page, et puis chaque personnage était bien illustré, ce qui faisait ses moves. C'est très gore barbarian, c'est très barbare, genre des gros gars avec des épées, des valkyries, des bebites, là, tu sais. Puis j'adorais le look sur papier. J'adorais le look au gameplay. Et puis ce jeu-là se joue à la Street Fighter, mais a des finish moves à la Mortal Kombat, genre de coupage de tête puis des affaires comme ça. Ce jeu-là avait tout pour être big, mais comme le gameplay est un total fail, c'est vraiment pas le fun à jouer et puis ça m'a jeté à terre. Quand mon club vidéo a finalement eu ça dans son inventaire, j'étais comme « Yeah, je vais finalement pouvoir l'essayer, c'est fou malade! » Mais c'est pourri, c'est vraiment pas jouable, c'est slow, c'est une déception, c'est une catastrophe. Quand même, ouais, ça a pris de la valeur ça, j'avais acheté ça 10$. C'est rendu à 30$, au Genesis Lose c'est 20$. Y a-tu autre chose? Je pensais qu'il l'avait au Game Boy. Super Nintendo et Genesis. Donc, mais pour vrai, c'est pas bon. Je l'ai dans ma collection juste parce que d'un, ça valait pas cher dans le temps. J'aurais jamais payé 30$ pour ça. Et puis, juste à cause de ce souvenir-là de déception, je voulais l'avoir juste pour la tablette. Là. Je continue de trouver que c'est un jeu magnifique et tout, mais c'est un jeu, man, qui a raté sa shot, mais qui aurait pu être très big. Malheureusement, c'est pas bon. Prochain jeu est un jeu qui coûte cher et qui est bon. Il s'agit de Wild Guns. C'est un jeu de tir, je sais pas comment le dire, pas first person. Ben, first person, oui, mais sur place, tu sais. Donc, ton personnage, il se déplace juste de gauche à droite. C'est très arcade, ça, dans le fond. C'est comme un western mécanique avec des fusils et des robots. Donc, ça joue à deux, c'est super le fun. C'est pas trop dur, c'est assez court. Et puis, ça vaut cher, là, bien sûr. Dans le temps que la Super NES était plus à la mode ou que les gens étaient comme « Ah, oh, les gros jeux de Super NES », ça, c'en était toujours un, ça, que les gens voulaient, là, tu sais. Et puis, c'est rendu quand même, d'après Price Charting, à 230$, donc c'est pas du caca. Et puis, ils ont fait un Wild Guns Reloaded sur Switch, donc c'est exactement le même jeu, mais avec des petites choses de plus. Si vous voulez vivre l'expérience Wild Guns, pognez-vous la version Switch. Ici, 30$ complet, 40$ neuf. Donc, si vous voulez pas avoir à payer 250$ pour une cassette. Mais par contre, ça, c'est un vrai le fun jeu. Bel item de collection. C'est ça, ça Natsume all the way. Et puis, j'aimerais bien avoir la boîte et livrer un jour, mais tu sais, je vais pas me casser pour ça. Là, ici, c'est au-dessus de 600$ pour avoir le kit complet. Chose que je ne veux pas. On a une boîte chez Retro MTL mais complètement détruite malheureusement. Donc vraiment pas assez belle pour être dans ma collection. Mais c'est ça, je me rappelle plus quand est-ce que j'ai acquis ça, mais c'est sûr que ça me le prenait là, t'sais. Prochain jeu est peut-être aussi dans la même catégorie des jeux que personne aime ou que les gens connaissent pas et que moi je trouve quand même pas si pire. Il s'agit de Excalibur 2097, donc c'est bientôt ça, mesdames et messieurs. Et c'est un platformer d'un dude avec une épée, donc Excalibur, tu sais, mais c'est steampunk, là, c'est dans le futur. Et puis, ce qu'il y a de drôle avec les jeux, certains jeux Activision de cette époque-là, dont lui et Metal. Attends un peu. C'est quoi donc l'autre jeu? Le shmup, là. Metal Morph ou Super Nintendo? Ah non, c'est pas ça pantoute. Attendez. Pas Metal Combat, pas Metal Marines. Ah, ça veut dire que c'est pas ça. Ah, je m'en rappelle plus. Mais je l'ai présenté dans les épisodes précédents. Bref, c'est ça, des jeux d'Activision qui ont de la musique faite par des bands techno, là, tu sais. Puis l'autre jeu que je parle, le shmup, c'est... c'est Biometal, ça. Biometal. Ah ouais, c'est ça. Donc, Biometal au Super NES a le soundtrack fait par Technotronics, là. Too Unlimited, je sais pas quoi. Puis il me semble que Excalibur 2097 a également de la musique techno, de groupe techno dans le temps. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, c'est pas mauvais du tout, en passant. C'est pas follement bon, là, on s'entend. Mais c'est pas broken, ça se joue, le personnage a des moves, tu sais. Moi, je trouve ça intéressant. Et puis, dans le temps, dans Nintendo Power, il y avait aussi, justement, un beau display qui montrait le jeu et tout. Et puis, je me rappelle quand j'étais petit, justement, j'aimais dessiner. Tu sais, je faisais des dessins. Puis j'avais dessiné le personnage de ça avec une épée alors, dans une position de combat. J'étais bien fier de mon dessin. Je ne l'ai plus, malheureusement, sinon je vous le montrerais. Mais j'avais dessiné ça. Suite au Nintendo Power, j'avais jamais joué au jeu, mais tu vois, je connaissais pas l'univers steampunk dans ce temps-là, mais ça m'attirait ça, les épées dans le futur, tu sais, au lieu d'être dans le médiéval tout le temps, donc ça me branchait. Et puis, c'est un jeu qui vaut rien, genre 20$, complet en boîte, je l'ai complet en boîte même parce que je suis tombé là-dessus à un moment donné. Et puis je l'ai gardé à cause de tous ces souvenirs-là. 55$. Donc, un autre jeu, pas broken, pas malade, mais pas mauvais. Si vous avez une flashcard, l'Everdrive, whatever, en émulation, essayez-le. Et puis, vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires. Ça me ferait bien plaisir de voir que je suis pas tout seul de ma gang. On a presque fini. On est dans les X. Donc, il me reste 4 jeux. Celui-là, X-Men... The Mutant Apocalypse, qui est un jeu quand même intéressant, où est-ce que tu choisis ton niveau en choisissant le personnage. Donc, il y a Gambit, Wolverine, Beast, Cyclope, Psylocke et Gambit. Et voilà. Et puis, j'ai jamais réussi à finir ce jeu-là. Par contre, je me suis pas acharné sur ce jeu-là. Je pense que je serais capable. Publié par Capcom, c'est quand même bon. J'avais pogné ça à une vente de trottoir dans Verdun, ça fait plusieurs années. Et puis, ça vaut juste 20$, vois-tu? Je pensais que ça valait plus que ça. Mais c'est un cool platformer, un autre jeu à essayer. C'est pas pire, ça fait un job, tu sais, comme jeu de X-Men. Là. Tu t'en sors bien avec ça. Le prochain jeu est une chose bizarre. Il s'agit de Xardion avec un X. Et puis, sur le dessus, d'un genre de Transformers, Mecha, je sais pas, Evangelion quasiment. Et puis, c'est un platformer de gros robots. Et puis, moi, c'est un jeu qui semble absolument fascinant au look de même. C'est badass au coton. Tu te dis, ah, c'est-tu un animé japonais que je connais pas? C'est quoi cette affaire-là? Je ne sais pas moi non plus ce que c'est. C'est publié par Asmic et puis il y a sûrement tout un historique en arrière de ça. Ça a été porté en Amérique du Nord, ça vient d'une affaire obscure japonaise. Ça doit être bien hot là-bas, ici c'est de la merde. Bref, j'ai essayé de donner une chance à ce jeu-là. J'ai joué un peu, puis c'est un peu correct. T'sais, encore une fois, c'est pas bon, mais c'est pas malade. Et puis c'est un jeu qui vaut 25$. Je l'ai pogné il n'y a pas si longtemps. C'était dans ma wishlist, mais ma wishlist relaxe, là, tu sais. De jeux que je sais que c'est pas si hot, mais que je vais l'essayer. Et puis, c'est ça. Donc, je le garde. C'est sur les tablettes, là, mais... Vous me direz si vous avez joué à Xardion et vous êtes capable de me dire si vous avez aimé ça, si c'est fou raide. C'est une bizarre chose. Avant-dernier jeu, il s'agit de Zombies Ate My Neighbors. Donc, j'avais parlé de... Ça, c'est le premier. Ghoul Patrol dans les G. Ghoul Patrol était le deuxième. Zombies Ate My Neighbors, c'est sorti ça au Super Nintendo et au Genesis. Et c'est-tu sorti ailleurs? Non, ça a fait ces deux-là. Et puis, très cool, le jeu top-down de qu'il faut que tu libères du monde en tuant des zombies. Très funny comme jeu. En co-op, très cool aussi. Ça vaut 50$. Et puis, je pense que ça vaut la peine dans une collection, ça, sérieusement. Un petit jeu de party, là. Il y a du fun à avoir avec ça. Trop long, je trouve, pour avoir le courage de passer au travers. Et puis, ça vient trop dur. Mais c'est nice, tu sais. Je pense que ça vous le prend. Et puis, le dernier jeu pourrait, lui aussi, rentrer dans la catégorie des jeux que tout le monde pensait de la merde, puis que personne aime, puis que moi j'aime quand même peut-être un peu. Il s'agit de Zoop. Et oui, mesdames et messieurs, Zoop semblait vouloir essayer d'être le Tetris, le nouveau Tetris. Et puis c'est un bizarre de gameplay ça, où est-ce que t'as comme une... au centre t'as une genre de plateforme, puis toi t'es comme une icône que tu peux changer en triangle, un carré ou un rond. Puis comme quand tu fais sur le bouton, il fait ton icône fait un aller-retour pour aller snatcher la même forme qu'il y a sur le côté, tu sais. Fait que c'est comme d'absorber des formes dans les quatre directions du carré, sur les quatre faces du carré. Bref, c'est super dur à expliquer, c'est weird, mais c'est un jeu qui vaut rien. Et puis... C'est sorti sur Game Boy, C'est sorti sur Jaguar, c'est sorti au PlayStation, c'est sorti au Game Gear, au Genesis, au Super Nintendo. Et puis, ce jeu-là, Loose, il vaut juste quelque chose au Jaguar, il vaut 40$. Sinon, il est sorti au Saturn japonais aussi. Pour tout le reste, ça vaut genre 5$. 5-10$. Ce jeu-là est un total fail. Ça, pour qu'il soit sorti sur autant de consoles, c'est comme, man, on tient quelque chose, on s'en va quelque part avec ça. Et puis, non, c'est une ratée. Moi, je trouve ça intéressant. Essayez-le, pour être franc, là. Vous allez voir que c'est pas broken, c'est juste comme, ah, pas si intéressant. Mais c'est unique, et puis, c'est une curiosité. Et puis, au Super Nintendo, loose 5$, c'est ça. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine d'essayer ça. Donner sa chance à ce pauvre jeu. Je sais pas qui est derrière ça, l'équipe à l'origine. Enfin, ça vaudrait la peine de leur donner un petit crédit, quelque chose, là, en l'essayant au moins. Ça a voulu conquérir le monde et puis ça n'a pas réussi à traverser le trottoir. C'est bien dommage pour Zoop. Mais bref, j'y tiens juste pour le LOL. Hey, au PlayStation, hein? Je savais pas qu'il avait fait ça au PlayStation. My God. Ah oui, puis c'est un long box quand même. Là. Donc, early PlayStation. Puis voyons voir au Sega Saturn. Ah ouais, au Sega Saturn, là, la pochette est vraiment ailleurs. Là. Elle semble expliquer le concept un peu mieux du jeu. C'est vraiment laid. Donc voilà. Hey, ça termine ma présentation de tous les jeux Super Nintendo de ma collection. Ce fut un bon 3 épisodes bien chargés. Et puis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça me fait plaisir aussi de repasser au travers de tout ça et puis de regarder tous mes jeux de même. Et puis, j'aime beaucoup la Super NES. C'est dans mes consoles préférées à collectionner NES, ben à jouer et collectionner NES, Super NES, Game Boy et Switch. C'est dans mes machines que j'aime le plus. Donc, voilà, j'ai bien avancé. Là, juste pour finir, quelques statistiques. Pas des statistiques, mais je vais juste nommer les jeux qui me restent dans ma wishlist de Super Nintendo. Il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il s'en est ajouté un dernièrement. Quand j'ai mentionné que j'ai aimé Hook, Cédric Duquette m'a conseillé d'essayer Dracula. Donc, Bram Stoker, d'ailleurs, je ne l'ai même pas mis dans ma wishlist. Je vais faire ça à l'instant. Bram Stoker Dracula, ici, que je vais rajouter dans ma wishlist. Donc, un jeu très commun. Sinon, ma wishlist officielle, le jeu des jeux qui me manque et puis que je veux vraiment dans ma collection et qui va me coûter cher, Aero Fighters, qui est un excellent shmup sur la console, le meilleur à mon avis, parce que le plus fluide, le plus arcade et le plus près d'un shmup style Saturn Bullet Hell, si je peux dire. Ça vaut 850-900. On m'en a proposé dernièrement 900$ plus shipping. J'ai trouvé ça trop cher. J'attends le moment, mais c'est le genre gros jeu. Toute console confondue qui me manque là, pour être satisfait. Bram Stoker's Dracula, donc 10$, je vais essayer ça. Doom Troopers, genre de platformer ça, que je suis curieux d'essayer. S'il me passe entre les mains en bon état, je vais le garder. Et puis, je vais l'essayer. Et puis, si c'est pas bon, ben, je le repitcherai dans la boutique. Ça vaut 40$. The First Samurai est un genre de platformer hack and slash, mais très primitif, un peu drôle de jeu. Je l'ai réessayé sur mon Everdrive. Et puis, c'est pas mauvais, mais il faut travailler un peu. Je suis curieux de l'essayer. Donc, on en a un chez Retro Montréal, d'ailleurs, mais il n'est pas assez en bon état à mon goût. Ça vaut 40$, donc je voudrais essayer ça. The Flintstones, The Treasure of Sierra Madre, qui est un jeu que j'aimerais vraiment avoir dans ma collection, ça vaut 65$. C'est un genre de jeu de table, genre de Mario Party, mais de Flintstones, donc très très cool. Incantation, ça vaut quand même cher, 160$, est un genre de platformer où est-ce que tu tires de la magie, et puis très cool. Musia est un jeu de merde, et puis, ben de merde, qui n'avait pas une valeur énorme, et puis qui en a pris beaucoup au cours des années. On a maintenant franchi le cap des 100$. Un peu comme The First Samurai, genre de platformer d'épée, très lugubre, très foncé, noir. Donc, c'est pas. Je vais, s'il me passe entre les mains, je vais le pogner, puis il va aller avec Zardian, et puis il y a tous les fucking jeux middle comme ça dans ma collection. Shin's Revenge, qui est un jeu de ninja à la Wild Guns, first person, lançage de Shuriken. Ouais, ça vaut 100$. Donc je suis curieux d'avoir ça puis de l'essayer pour de vrai. J'aimerais avoir ça dans ma collection. Et puis, parce que j'ai Sonic Blast Man 2, je voudrais avoir le 1 juste pour la forme. Le pire, c'est que je l'avais déjà, puis je trouvais ça mauvais, fait que je l'ai vendu il y a une couple d'années. Mais là, je veux le revoir juste pour la tablette, et puis ça vaut 35$. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour ma wishlist de Super Nintendo. On a des statistiques. Tant qu'à y être, je possède 160 jeux de Super Nintendo sur un total de 724, d'après mon application. Je sais pas si ce chiffre-là est exact. Ma collection vaut 17 000 d'après mon application et puis ma wishlist vaut 1070. Alors, 17 728 pour être exact et puis rechercher 1000$ de recherche. Donc vous voyez que ça monte quand même assez vite avec le temps, ça, la valeur des jeux vidéo. Ça, c'est juste mon Super NES. Donc très intéressant. Cela dit, je pourrais être tenté de vendre tout ça puis d'avoir de l'argent. Je pourrais vendre tout ça pour 10 000 demain matin si ça me tentait, mais je ne veux pas. J'aime ces objets-là, j'aime y jouer, j'aime les découvrir et j'aime les caresser et les regarder souvent, souvent, souvent. Donc voilà, si vous avez des jeux que je n'ai pas et que vous pensez que j'aimerais, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, ça me ferait bien plaisir de voir ça. Comme justement, on me dit que Dracula c'est bon, je trouvais que ça avait l'air de la merde, mais si c'est bon, ben Colin, un jeu de plus dans ma collection que je vais jouer, tester et probablement aimer. Des jeux comme Hook, là, tu sais, justement, moi je suis tout le temps super content de découvrir des jeux de la sorte. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, merci d'avoir suivi cette aventure de ma collection Super NES. Qu'est-ce que je devrais faire comme série de collection la prochaine fois? J'ai comme envie de faire le DS. Je trouve qu'on donne pas assez d'amour à la DS. Et puis, j'ai une belle collection DS. J'ai pas de RPG, mais j'ai beaucoup d'autres choses. Et puis, je dis ça parce que la DS est une très bonne console pour les RPG. Bref, ça se pourrait que ça soit ça. Pas tout de suite, là, mais j'y pense. Alors, suivez ma page Facebook. Merci à tous mes Patreons de me supporter. Magasiné chez Retro MTL pour tous les jeux rétro que vous voulez, on en a des tas. Et puis, venez faire un tour chez Arcade Montréal, on a grand besoin. Là, c'est moins pire, là. On a plus de monde, il y a des événements privés. Crime, je pense qu'on va peut-être pas fermer finalement. Parce que là, on s'en allait en courant dans le mur, là, on marche vers le mur. Fait que c'est déjà moins pire. À un moment donné, on va peut-être juste arrêter de marcher. Puis après ça, ça nous prendra des forces pour contourner le mur. Mais en tout cas, là, on marche vers le mur, donc, mais on essaye de sauver la peau, puis on va peut-être réussir. C'est déjà plus positif que ça l'était. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. Chaque client est important. Et puis, on espère rester en vie et puis continuer de vous servir à Montréal dans le seul et unique et meilleur bar arcade de la ville. Donc, merci tout le monde et puis à très bientôt.